Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hind en Brezonnik, kentel, kent. Perron Triatriugen. Triatriugen, pardon Henri. On retrouve Henri Le Naou pour cette émission d'initiation à la langue bretonne. Donc, c'est la leçon 463. On a pris un peu de retard. Ah. Mais c'est pas grave. Oui. On a fait faire des révisions aux auditeurs. Oui. Et on découvre un nouveau mot pour commencer dans Gerio Arvué. Oui. Henri. Alors, aujourd'hui, c'est un suffixe. Là, j'étais parti dans les suffixes. Et un cours, cette fois-ci, L, E-L. L. Oui. Alors, c'est un suffixe qui sert à faire des adjectifs. Le plus souvent à partir d'un mot, un substantif, comme on dit, hein, on ajoute « l » et ça fait un adjectif. Et bon, il est présent dans de nombreux adjectifs qui sont très employés, par exemple « ul » et « isel ». En effet. Bon. Hein, et bon, dans des adjectifs aussi qui sont un peu des néologismes, enfin souvent de vieux néologismes. Tiens, c'est pas mal la notion de vieux néologisme. Hein, puisque des mots apparaissent dans la langue régulièrement, et donc qui étaient souvent des néologismes d'origine religieuse, comme Marvel par exemple. Marvel, c'est mortel. D'accord. Donc la mort, et Marvel, mortel. Et par exemple, le péché mortel. Bon, on va pas faire un cours de catéchisme. On peut expliquer ce que c'est un néologisme quand même, Henri? Oui, un néologisme, c'est un mot qui est fabriqué en fonction des besoins de la langue. Et alors, justement, il y a beaucoup de polémiques à partir de ces néologismes. Il y en a qui disent que les néologismes donnent du breton chimique, raison de chimique. Mais en fait, les néologismes sont indispensables. Sinon, des mots d'une autre langue, ce que fait le français actuellement. Le français prend systématiquement le mot anglais, et je crois qu'il y a une quinzaine de mots anglais qui rentrent chaque jour dans la langue française. Là, il y en a qui rentrent dans le dictionnaire même. Et maintenant, dans le dictionnaire, oui. Déjà, il y a un moment, oui, maintenant, il y a burn-out, tout ça, bon. Et crowdfunding, et puis bon. Mais donc, si on veut que... alors, il ne s'agit pas des chantres de la pureté linguistique, mais qu'une langue garde sa cohérence, elle peut former des néologismes, des nouveaux mots, néologos, le logos c'est la parole en grec, et néo c'est un préfixe là justement qui signifie nouveau, elle forme des néologismes pour s'adapter. Comme elle l'a toujours fait visiblement, parce que Marvel c'est doit être très très vieux. Oui, Marvel c'est vieux, Zantel aussi, Zantel, saint. Donc c'est formé à partir de sand, et donc la langue elle forme à partir de ses propres racines, elle forme des néologismes. Alors je pense que dans cette affaire de néologisme, le problème de certains néologismes en breton, c'est qu'ils sont trop longs. Tous les idigues et tout ça, ça finit par faire des mots trop longs, et c'est pas tellement dans le génie de la langue. Il vaut mieux tourner la formule autrement pour avoir des mots courts. Mais il y en a certains qui sont incontournable, voilà. Et puis alors, il y a des néologismes qui se créent, qui sont adoptés dans la langue, et puis il y en a d'autres qui passent pas, et ils disparaissent, et puis voilà, c'est la vie de la langue. Sans regret. C'est la vie de la langue. Bon, merci Henri pour cette explication sur les néologismes. Je t'ai coupé, je te laisse continuer sur alors, les suffixes en L. Donc, on va en donner quelques-uns. Par exemple, broadel, broadel, qui correspond à qui est relatif au pays. Alors, on traduit souvent par national, mais en fait, c'est pas sur la base de nation, c'est sur la base du pays. Broadel, tout ce qui concerne le pays. Les pays à la bretonne. Oui. Alors, par exemple, il y a eu dernièrement Gwell Broadel, alors Brezhoneg, la fête nationale du breton. Alors, c'est traduit par national, mais pour moi, c'est quelque chose de presque intraduisible. Et alors il y a international aussi très broadel. Alors là il y a soit on trouve les deux très broadel ou très vroadel selon qu'on fait ou non la mutation, mais les deux peuvent se dire. Alors deux dont on a parlé il y a pas très longtemps, benel et gurel, féminin et masculin. donc qui sont des qui sont ceux-là de vieux néologismes. C'était pas, on trouve pas ça dans la langue du 15e siècle, mais c'est apparu plus tard. Hein. Voilà. Donc est très employé en grammaire aujourd'hui, quoi. Benel et Gourel. Les Nagel, alors justement, hein, c'est littéraire. Hein, on parle du breton littéraire, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Michel, hein, ce qui est professionnel. Hein, voilà. Skiantel, scientifique. Niverl, numérique. Ah, c'est mignon. Ça. Oui, voilà. Bah, voilà. Un néologisme qui est facile à retenir et qui correspond à notre société d'aujourd'hui, Niverl. Hein. On est dans la société numérique maintenant. Henvel, hein, celui-là est ancien, semblable. Hein, voilà. Yezel, linguistique. Denel, humain, quoi. C'est-à-dire la racine, c'est Denel. Hein. Alors, il y a des mots aussi, des mots internationaux, qui sont d'origine grecque en général. Des fois, on entend dire que le breton a des mots français quand on emploie des mots internationaux. Quoi. Il y a une personne qui me disait l'autre jour, mais café, ça vient du français. Alors que café, c'est un mot international qui vient de l'arabe, de kawa. Donc, en fait, c'est pas... Ça, ce sont des mots internationaux qu'on trouve effectivement en breton comme en français. Hein, par exemple, economical, hein, économique, hein, political, politique, hein, c'est la police, la cité en grec. Donc, en fait, c'est des mots qui sont des mots internationaux. Alors, comme le français les a habillés à la mode française, nous, on les a habillés à la mode bretonne. Voilà. Sévenadurel, hein, culturel. Sévenadurel, la culture. Sévenadurel, culturel. Hengunel, traditionnel. Alors là, c'est un mot formé sur une haine, c'est ancien, vieux, quoi. Hengun, la tradition. Hengunel, traditionnel. Voilà. Arnaudel, c'est expérimental. Oh, j'aime bien ça. Oui, Arnaudel. D'ailleurs, c'est la même racine que Arnaudel, l'examen, quoi. Voilà. Bedel, mondial. Et puis, on va finir sur officiel. Ben voilà. Hein, officiel. Braisonneux, guillez officiel. Voilà, une revendication pour terminer. Bon, entre autres. Hein. Entre autres, oui. Merci Henri. On passe maintenant à la seconde partie de l'émission. C'est Braisonneux, temps matin. Oui, on va aller faire un tour à Zantolok. C'est parti. Thank you. par Zantolek pour ce Brezhoneg tant matam, où Chanik va rencontrer André. Henri, rappelle-nous qui est André. André Gac, c'est le président des boulistes de Zantolek et Plouderien réunis. Mais c'est vrai qu'on était resté sur la cathédrale des boulistes. Voilà. Enfin, l'église des boulistes. Le temple des boulistes. Le temple. Ilizar Boulist, non, c'était pas ça? Ilizar Boulou. Ah, Ilizar Boulou, voilà, c'est ça. Tu dis wank? Ja, das Quer Pevegret Skolar Boulou. Skolar Boulou. Ja, diski dor jung des Wai Boulou. Welt we diske trowel. En meskol azo? Ja, mirazé gando pedriel vejo. Divege mis vegret. Der mer hard aberde. Avege namzor de zaden de beurre. A gweja gwejel. Vegret de stage waran deves. Evi diski in pose. Ten au Arroul, Petran, Manoir, Boc, à Bob Sortra ou Bédéphine. Ag, Azeus au Wardro, Huguen, Réon, au ton de Ziskin, Potre d'Améret, à Plija d'Urvé. À Donneréon, Ben? Ah, ya, fait ya, va, Gouelor Vidom Véjo, hein. Mais deux d'Orvé, je connais que de Vellet. Donnerine, André, Donnerine. Elle dit toujours de oui, hein, qu'elle oui, va oui, venir. Elle dit on dirait oui. Moi. Uh-huh. Cette Chanik, on dirait moi. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Bah. je dis oui, j'irai voir ça, j'irai faire un sujet, puis je fais pas tout le c'est temps. C'est le métier qui fait ça, hein, voilà. Oblige-moi. On avait laissé donc Chanik et André, c'est vrai, la dernière fois, parler des boules, et André disait qu'il y avait des jeunes qui venaient aussi aux boules. Voilà. C'est ce que demande Chanik. Tu dis oui, wank? Tu dis wank, des jeunes? Ja, das Quer Pavegret Scholar Boulou. Oui, par exemple, quand on fait l'école des boules. Et Chanik demande, Scholar Boulou. Oui, Scholar Boulou, ja. Diskiner et Yowang de Hoari Boulou. Alors là, c'est une façon bretonne de dire, c'est-à-dire enseigner les jeunes, un Diskiner et Yowang, à jouer aux boules, de Hoari Boulou, quoi. Et Velvet Desket Trawal. Comme on apprend d'autres choses. Hein. Voilà. Ager Mesko Lazo demande Chanik. Oui, et il y a donc un maître d'école, hein, on dirait un coach aujourd'hui, en français moderne. Ouais, et André répond, ya, mia rasé. Oui, c'est moi qui fais cela. Gandao et Driel, avec show. Oui, avec deux ou trois autres, hein, de temps en temps. Diu Vecharmis, Arvegret, et Vegret. Oui, donc on fait ça deux fois par mois, Diu Vecharmis. Darmer Erdaberdei. Le mercredi après-midi. Ag Veschenamzer, Darsadam Darbeuré. Et de temps en temps, le samedi matin, de Zalen Darbeuré. Ag Gwesha Gweshal, et Vegreter Stage, Warren DV. Vidiski Pose, Warren, Pe Dreher Blanken. Voilà. Alors, Gwesha Gweshal, de temps en temps, hein, Vegreter Stage, on fait un stage sur une journée, Warren D, hein, sur une journée. Bon, pour apprendre à poser. Hein, y a le poseur et le tireur hein, dans les équipes de boules. Warren Pedreyer Blancon, c'est-à-dire droit dessus, comme on dit, ou par la planche. Hein, y a deux façons de poser. Quoi. D'accord. Teno Warul Pe Warbok. Voilà. Voilà à tirer, alors, à roule, comme on dit en français. Hein, ou Warbok, c'est presque intraduisible, ça. C'est, hein, tirer. En l'air, si on veut, sans que la boule touche. Alors là, il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a le saut guingampé, tout ça. Enfin, c'est pas vrai. Le demi-poc, quoi. Mais je connais pas ça, Henri. Enfin... Oui, le saut guingampé, on tape, la boule retombe à peu près 1m50 avant celle qu'il doit tirer, quoi. Et elle finit par rouler, quoi. Elle finit par rouler et par enlever l'autre. Et le sommet, c'est de faire le saut guingampé et le carreau, quoi. C'est-à-dire de chasser la boule de l'autre et de rester sur sa place, quoi. Le Graal. Voilà. Mais ça, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein. Ah ben non. Faut de l'entraînement. On reprend le dialogue. Brément, The Wardro, Huguen Rayomang, au tourne de Ziski. Oui, maintenant, il y a environ une vingtaine qui viennent apprendre. Potre d'Améret à Plija d'Urvé. Bon, des gars et des filles, hein, Potre d'Améret à Plija d'Urvé. Et il y a du plaisir. À Don de Réon, de Ben. Et ils réussissent. À Don de Ben, c'est réussir. Don de Rangne Ben, ils réussissent. Feyavat. Gwelor, évidemment, ma méchou. Oh, bah oui, c'est sûr, hein, Feyavad, hein, vraiment. Ma foi, oui, c'est Feyavad. Hein. Gwelor, évidemment, Vejo, parfois mieux que nous. Mais deux d'Arvej Benaket de Velette. Mais venez un jour ou l'autre voir ça. Hein. Donnerine, André, Donnerine, répond Chanik. Je viendrai. Ouais, voilà. Voilà. On passe maintenant à la troisième partie. C'est toujours Hinter Brezhoneck, c'est voilà. toujours Henri Le Naou qui vous mène, qui vous guide. Avec beaucoup de plaisir sur le chemin de la langue bretonne, Petra Zonervro, tout de suite. Troisième partie de Hinter Brezhoneck, Kentel Perron, Doa Triugen 462, Henri Le Naou est là, et c'est le moment de Petra Zonervro. Petra Zonervro, Eri. Ben, calze drau et veljus boer vej di ouzan, krogom de djantan vel kiz a custum, gandela bourdouar hag ar vu e war ar mez. Erion bremañ ba kreiz en eve amzor. Hag an amzor ne ke begwal vad ba miz me, me mestra zo bet amzor dour zo bet, hag amzor klou a war, set un eus bout de riot, hag un maiz ma meus mod, hag vo kavet bouet vin de lonet. Neveso, oa honkour hiezek, ba plantel, enfin pelarin ma de konkour vin de nebelien, hein, evit departement no odou en arvor. Hag ba plantel, zo ve honkour zo be plat, hag a tiezek de zevro an meus o bet primedin. Evel da skouer, evin de kerant kouad, o ne beulez zo divlin kouad a reg de streg lanvus, a roaz ekler de kerou, o zo ne beul div bronek de splon e kintin, petran man roaz erel ker gonan, zo de Gilbert Rousvoil, zo deus rostren. Hag a reñs o tiezeg a zo bekan da o vil perzeg. Pe diur oa e lizer an. Blanmement F. Hag a gwell red vez zo c'hoaz tiezeg ma bavro. Ne vezo zo bet de imban gant un draf e melestradur eus vid de labour dou ar vid de ranvro. Hag an eus greit ur studiad an iwar ben labour dou ar breiz. Hag bon vid pezel de ze hemantedou, tient an randvro zo ranz e breiz. Me vid un dalvoudegez, man pel oa l'air, pe dur, ne skemet ur seiz vel rank. Hag zeve fe bet gwellor, me stra ka de muor dalvoudegez vid pezve, gred gant de labour dou ar breiz. Hervé studiad en ze roaz, zo kalz la douar la bourre de breiz, hein, peut dur zo triugon regan de zun douar a zo la bourre de peso pez gwella, vid pez ve gwella de l'erhel. A me mestra ve kol de douar la bourre de bepla, hag war an dach en ze vo redor muor, diwal muor me mestra, vid paz dispign un douar la bourre de. Breiz me mestra zo roaz eiz a tre gant mil ferm, hein, pez ne ke fal me mestra, Plus dur pem kandin ven on stay en bepla war ferme ou brais pis ne que fal me mestra roise ur blamant et bet valpud en économie es vide la bourdoua plus dur et zer a des bet blamant bla do viltris hein zizo do lasso woman plus dur zo bezer de stal balan pour le gimilio hein stal gat Ag bonne cudé nous obide gandeir hein gantili sabaco sapco ag dou a vraiment Hervé Clève de Haguela entre ou mais bon stras au cudé nous rois gande réseau hors zevelmore de don temps vraiment war nendro de Hugen Vlasso ou abid crouet de Mirva Nodou le gars la conservatoire du littoral et vide d'Iwal de Zenot ag harz un dud de zevel zavadur yo redost de zenot ag bon mirva un ode brain douar vi harze ag de get calz de l'arbour hein ag drava des ben mamestra et becrou de un drazé calz de drouz obé de Puis vous comprenez le temps de ce, en politique, il reste vraiment, vie de Hadstum en leur scolage ou, de l'art aidé, réforme des collèges, Vélardz et Ingalak, ag, clève me scombs de ce, qu'elle est nature, je n'ai la mande, que gression, que latine, mais d'y voir un présent, que ce que clève, m'en bête, gonne politique ou rien, hein, ré rure et gwen à ré pêcheur, Monsieur Cleveland, mon de Vigante, Warze, à grand syndicat, j'ai eu, Vistriscol, Monsieur Cleveland, tombé mur, comme de ce Brezondeg. À Gouscoud et, Brezondeg et six chenons, Zévenadur. Mais de bonne, tout d'un dut, ce jour-là, Rafouma, grand homme, de zone, on bro, à grand Zévenadur, avec le juste. Cleveland, Monsieur Comscal, ce, qu'elle est nature, je n'y suis arrivé. Trogzuazus, gormes clève de grand politicorien zo, politicorien de studentur, ouin, velmeslar, ruguen à pêchard, ag, mais, pizho, jacobine, n'aigne tout. Ag, Hervé, pizmes clève de, éviter, velvi de Reims, calz de Reims, n'histoire, zo sens, or, gelener histoire, ma peçon, de gelener histoire, zo sens, de la cadbapène scolidi, roman national. Roman national, zo sort Gontaden, il y a dit war ben en historia. Histoire brave en France. Il y a, histoire brave au Brahal, il y a. Pen ou Braz, hein, Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Zanlouis, Jeanne d'Arc, Bonne, Louis Pevarzec, Potre d'un Dispar, ou à l'air, Vel Robespierre, me m'en gose la rehez ne lesen bin, mais lesen Robespierre. À voir que de bon dit ce sujet là à Napoléon de bon à bon ag bon c'est au sorte contaden ag so bid de tud vel Ernest Lavis un bid de labour de Warzy labour d'enfin ou que Gualster de Roland bon mais enfin une sorte historien d'officiel m'a besoin de quoi à Gouscoud et bon Ernest Lavis de scrive de l'Everio histoire hein, Rogue Brezel Perzeg hein vide la cage juste mode ben peine Vugal et Zonche voir un roman national Gouscoud et Migaftine un dude de Gelenerien voir une histoire au sens de glace tosta derma de virion et histoire là pémat péval mais tosta de ze virion quoi qu'a évissé, Gaftine ve goût le grand et au bord studi, voir une histoire pas de père pibempla ou à l'air ravachelourieuse. Hindel m'avait vu de l'art de, vide au bord une histoire vel Ernest Lavis, n'est que red or calze studi. Bon, enfin, bon, dis ce manquant. Vichon mon temps, moi, d'achène et vénadur, ma sraise un peu ce gueule, barros trenzo, trou qui zélet, au bien trou qui zélet. Gwell meus tjezeg hag bon o ben trao barrio ou rostren, hag bon zezo brao, hein, zezo brao de la candut de vel un arz un tamp, pemzeg arzour ne se disquez do o berou, hag bon zezo mat. D'un trizeg vizme, Oa be bodet bagourin, dao han bugel otis ki brezant ag baskol yu ar vro. Hag ur vugal ez an deus kanet direk ur zal chouk, leun chouk, deus kanet eus amblez, a kanet an ur brogoz gant ur gant er eus kelik. Neveso oa deud mez ur geriad ur neve, Robert, petit Robert, grand Robert, hein, bon, a gerriou nevez o barz, vel meus lart ar bomtem oa burnaoun, me ur bretonizm zo ivez. Zo het barz, bon, anglicisme, moi déjà, a galicisme, mais bon, même zo bretonisme. Bon. Ur blaman vo daugen lasso, bouem an bekrou de gwell ur dans plin ba boulevriag. Ur blatian tan oa bet krou et ba man ur nello, a oa ler oa deud de perbla oa ler oa deud de dandouda. Hag bon spimeus vokal se dut blanc meroas ba festival un dandout. Ve genom se regontant d'arrivé de ze mirdi skol ba botoha. Hag bon an diskoizad hag nevezo blanc hag zo bedigor d'un del gant war ar war yelou hag zo hanet e si on joué ar zon tam war e war gerio. Hag onever nevez o bet din ban ur oaz gant Michel a Nicole Soye, histoire d'école, war skolioù botoa hag zan Nicolas. Kom ze meus betar deus dizer radur, pi deus dizer len gerledan, hein, pi duroiet hesk blam, ave kom ze kalz a kalz dut ha de velt, hag Gilles de Pontavis ne skrive do lever warze, war histoire harz dour, zile neus Gilles de Janze, hag nang plun, ma peswan, hag kom zora deus pesamon oa be gred harz dour, hag kom zora an deus an dra an eke an ar ven matrez an tiemse, oa be zonj ober greiz an nukle, el rog o brenielis, oa be zonj ober greiz an nukle, el ba gwerle dand. Vélo chance, enfin vélo chance, n'est que de chance viré Brenielis, mais en même n'est que Bécret Bénéfine. Pégantine de Zleverio, au lever zopé de une bande de Neveso, Gantridine zo Hanavezma de Bavro, de l'Aradé Daniel Giraudon et Hervé Lossec à Nono, à Gleverze, zo Hanved Krampus Saucis, en guerre en brésant de Gagonan de Galloweg. Au grand historio Fentus a tressé à des nous, bon, Jean Jalran et Andra. Plus juste de laine. Hein. Bon, Hindel, Musculard a demandé des rois de ce Gwelaïta, zo bet batre malgat, zo bet had lance de grandze Gwel broa de leur brezondek, hag wakal ze dut, hag ze zo bet o drava, Gwel ar brezondek wa bet lance de ba bla pem ze gatrugen, ma me jongemad ba gwen gamp. A oa l'air m'en bet ba kalz o blas ou ba land gondet, ba kavant, ba speyet. Hein. Bon, a bremañ o vij, ba tre malgat, bon, gwellet vo, ma vo deret, me on dravad e bopet. Bon, setu m'en grell on tamm tro war pesonev e bavro. Merci Eric, eno. Norvegel.